C'est un débat vieux comme le monde, vieux comme l'humanité, pourrait-on dire. La violence est-elle consubstantielle de l'espèce humaine ou l'espèce humaine est-elle devenue violente à force de vivre en société? Ou encore, l'être humain est-il naturellement pacifique ou violent? Qui de Hobbes ou Rousseau a vu juste? Sommes-nous la seule espèce animale à faire la guerre, à appliquer de la violence létale contre nos congénères? Ce débat philosophique avance aujourd'hui grâce à l'archéologie, grâce à l'anthropologie, grâce à l'ethnologie. Petit à petit, indice après indice, plusieurs chercheurs essaient de reconstituer dans un ouvrage collectif ce qui serait une histoire naturelle de la violence. Histoire naturelle de la violence, pas tapée, c'est le programme agressif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer donc cette histoire naturelle de la violence qui a donné lieu à la publication de ce petit manifeste du Muséum National d'Histoire Naturelle auquel vous avez tous deux contribué, qui fait suite d'ailleurs à la 6e tribune du muséum qui s'est tenue au Jardin des Plantes le 4 décembre dernier, Muséum Manifesto Histoire Naturelle de la Violence. J'ai le plaisir donc de recevoir deux de ses contributeurs, Marilène Patou-Matisse. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue à ce micro, nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, également autrice de Préhistoire de la violence et de la guerre, c'est chez Odile Jacob. Et Laurent Beg-Chankland, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France, et vous publierez dans quelques jours, dans une dizaine, quinzaine de jours, c'est cela, Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, c'est également chez Odile Jacob. Mais on commence par celle qui ne ferait pas de mal à une mouche. À une araignée peut-être, mais pas à une mouche. Et encore. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence avec cette étude parue aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics. Nous avons fait la découverte de l'exoplanète la plus proche de nous. Et grâce au Very Large Telescope au Chili, une équipe internationale a découvert la planète Proxima D. Elle orbite autour de l'étoile Proxima du Centaure, une naine rouge à seulement 4 années-lumière de notre système solaire. Alors ce n'est pas la première fois que l'on détecte une planète autour de cette étoile, il y en a déjà eu deux autres. Mais ce qu'il y a d'important dans cette découverte, c'est que d'une part, il s'agit du système extrasolaire le plus proche de nous, et que d'autre part, Proxima D est l'exoplanète la plus légère jamais détectée. Elle ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Il s'agit d'une sous-Terre, elle a un quart de la masse de notre planète. Comme la Terre et comme Mars, elle est probablement rocheuse, et elle orbite très près de son étoile. Une année sur Proxima D ne dure que 5 jours. Des planètes aussi petites, c'est très difficile à repérer. Cette détection s'annonce donc prometteuse pour la recherche en exoplanètes. Christophe Lovy est professeur au département d'astronomie de l'Université de Genève. Il est le co-signataire de cette étude. On utilise un spectrographe qui s'appelle Espresso, qui est installé sur les télescopes de 8 mètres VLT au Chili. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales, qui est une technique qu'on utilise pour détecter des exoplanètes. Les planètes qui tournent autour d'une étoile vont obliger l'étoile à bouger. À cause de la force de gravité, que la planète attire l'étoile attire la planète, ça va forcer l'étoile à bouger un tout petit peu, et on est capable, avec ces spectres, de mesurer ces mouvements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une étoile, on va l'observer régulièrement, et on va voir que le mouvement de l'étoile change d'une nuit à l'autre. Et si une planète lui tourne autour, on aura un mouvement périodique qui se répète à chaque tour de la planète autour de l'étoile. Là, par exemple, c'est tous les 5 jours. Donc on va voir un changement de vitesse périodique de l'étoile tous les 5 jours. Ça va nous permettre de déduire la présence de cette planète en orbite autour de Proxima du Centaure. C'est effectivement la planète la plus légère, je crois, qu'on ait détectée, en tout cas avec cette technique. Et là, ça ouvre des perspectives parce que ça nous permet d'étudier les populations d'exoplanètes aussi petites que la Terre et même en dessous. Et donc ça, c'est un domaine encore inconnu qu'on va pouvoir explorer ces prochaines années. Le fait qu'elle orbite autour de l'étoile Proxima du Centaure, en soi, c'est déjà quelque chose de forcément intéressant parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment l'étoile la plus proche de nous. Et donc, c'est un système planétaire qu'on pourra étudier plus en détail dans le futur. Qu'elle est très proche de son étoile. Elle est sur une orbite beaucoup plus serrée que les planètes qu'on a dans notre système solaire, beaucoup plus proche que la planète Mercure ne l'est du Soleil. Donc on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Si elle orbite autour d'une étoile qui est très particulière, c'est ce qu'on appelle une naine rouge, qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus froide que notre Soleil, mais qui émet quand même beaucoup de rayonnements énergétiques, comme des rayons X, qui bombardent cette planète. Et donc on n'a aucune idée de à quoi peut ressembler la surface ou l'atmosphère d'une planète comme ça, qui est soumise à un environnement très différent de la Terre. Voilà, et si vous voulez retrouver l'étude intégrale publiée dans Astronomy and Astrophysics, comme d'habitude, nous avons posté le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. On vous l'annonçait hier en direct dans l'émission, Antoine Petit a été reconduit pour un deuxième mandat à la tête du CNRS. Il remporte la candidature à la présidence du CNRS face à son concurrent Olivier Coutard, directeur de recherche au CNRS et candidat très soutenu par les universitaires. Antoine Petit a été nommé par le président de la République hier lors du Conseil des ministres. PDG du CNRS depuis 2018, il est donc reconduit pour un second et dernier mandat qui prendra fin dans 4 ans. Une tempête géomagnétique a détruit 40 satellites de SpaceX. Oui, des mini-satellites de la super constellation Starlink, qui compte désormais 1500 satellites actifs. Hier, la compagnie d'Elon Musk a annoncé que sur les 49 mis en orbite le 3 février, 40 ont été détruits par un orage magnétique, un phénomène provoqué par des éruptions solaires et qui peut perturber les systèmes de télécommunication. Il n'y a aucun risque de collision ni avec d'autres satellites, ni au sol, puisqu'ils sont censés se désintégrer dans l'atmosphère avant de toucher Terre. Et depuis hier, beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux suite à une annonce suspecte du décès du professeur Luc Montagnier. Et prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du VIH, le biologiste virologue s'est également fait connaître pour ses prises de position controversée lors de cette crise sanitaire. Alors selon ses sources, il serait mort ce mardi 8 février à l'âge de 89 ans. Néanmoins, pour le moment, il n'y a aucun communiqué, pas de dépêche officielle. À l'heure où nous parlons, cette information n'a pas été confirmée. Elle est en cours de vérification. Merci beaucoup Natacha, évidemment nous vous tiendrons au courant dès que nous avons des informations qui vont dans un sens ou dans l'autre, mais des informations confirmées. À demain pour le journal des sciences et le journal de la SF. L'être humain est-il violent par nature? Est-ce dans notre nature profonde d'attaquer, de tuer autrui, d'exercer de la violence létale sur des membres de notre propre espèce? Quand donc apparaît cette violence dans l'histoire de l'humanité? Est-elle consubstantielle du genre homo à d'autres espèces également? Que nous disent les traces fossiles? Est-elle apparue avant ou avec la civilisation? Avons-nous littéralement inventé la guerre? La paléoanthropologie est-elle en mesure de trancher ces questions que se posent les philosophes depuis l'Antiquité? Plusieurs chercheuses et chercheurs, psychologues, éthologues, sociologues, primatologues, anthropologues, préhistoriennes, recoupent leurs approches dans un petit ouvrage passionnant, manifeste du Muséum National d'Histoire Naturelle, sous le titre « Une histoire naturelle de la violence ». Ce sont ces contributions et ces échanges absolument captivants dont nous voulions rendre compte aujourd'hui, et avec, pour commencer, une question, et une question de taille. Qu'est-ce que c'est que la violence? Réponse du philosophe chrétien non-violent Lanza del Vasto. Nous sommes en 1974, dans les après-midi de France Culture. Violence est tout ce qui viole l'ordre harmonieux des choses, en commençant par le mensonge, qui est le viol de la vérité, l'abus, légal ou non, qui est le viol de la justice, l'oppression, qui est le viol de la liberté, le meurtre et la cruauté, viol de la vie, l'avilissement et la corruption, viol de la dignité, pollution et désintégration atomique, viol de la nature, intolérance religieuse et intolérance idéologique, viol de la conscience. Et toutes ces violences-là sont des violences artificielles. Elles ont pour cause l'esprit de profit et la volonté de domination. Il en résulte guerre, révolte, misère, servitude, qui sont quatre fléaux faits de main d'homme, qui se préparent et se perpétuent avec toutes les bénédictions de la légalité et de la moralité. Ils constituent les enchaînements et les déchaînements de la violence légitime. Et la moins artificielle des violences légitimes, c'est la défense légitime, qui, quand elle aboutit au meurtre, devrait plutôt s'appeler l'offense légitimée. Et naturellement, la suprême expression de la violence légitime, c'est ce que les hommes appellent la justice, c'est-à-dire cette espèce de démence de la raison qui pense qu'il faut répondre à un mal par un mal et qu'on doit appeler bien le mal qu'on rend. Ce qui fait qu'on redouble le mal et qu'on entre dans une chaîne qui n'en finit pas. Voilà, on pourrait passer une demi-heure sur cet archive, je pense uniquement, tellement il y a de choses à en dire. Votre réaction, c'est évidemment une acception extrêmement large et extrêmement orientée de ce que peut être la violence à différents niveaux, légitime ou illégitime, mais tout de même, je trouve que c'était une bonne introduction en matière pour notre histoire naturelle de la violence. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction à cette définition de Lanza del Vasto, Laurent Beck-Shankland? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a de nombreuses dimensions, évidemment, qui sont agitées dans cette définition. On voit qu'on peut entrer, effectivement, dans des définitions très, très, très confusionnantes. Hein. On voit bien que ce terme de violence est un terme accusatoire. C'est un jugement moral, finalement. Et donc, tout le travail des chercheurs, c'est de se donner une définition qui soit un peu plus cadrée, un peu plus opératoire, pour précisément savoir ce que l'on va observer, ce dont on va parler, en essayant évidemment de se distancier de la charge morale qui habite la définition que l'on vient d'entendre. Marie-Hélène Patoumatis, votre sentiment vis-à-vis de cette archive, et puis pour commencer à aborder et approcher ce que l'on peut entendre, ou ce que la façon dont vous avez travaillé autour de cette notion de violence, qu'il faut peut-être d'ailleurs mettre de côté, la remplacer, la préciser. C'est-à-dire qu'il y a toujours là aussi plusieurs points de vue, et bon, c'est un point de vue intéressant qui s'éloigne un petit peu peut-être de point de vue des scientifiques. Et notamment de mon point de vue, parce que il y a déjà une notion de définition. Qu'est-ce que la violence? Est-ce qu'on la différencie vraiment de l'agressivité? Ce qu'on peut faire, parce que là, comme ça, d'une façon très simpliste, hein, l'agressivité paraît plus naturelle entre guillemets, c'est-à-dire plus partagée par dans le règne animal. Peut-être que et la violence peut-être plus construite. C'est vrai, je suis plutôt dans cette tendance à réfléchir, dans cette tendance. Mais c'est vraiment déjà une difficulté rien que le mot, parce que chacun ne met pas exactement la même chose derrière. Alors en tout cas au niveau, puisque là c'est la méthode scientifique, donc on va parler aussi un peu de méthode. Je crois que c'est important pour nous qui travaillons sur le temps long et dans les périodes très anciennes, c'est extrêmement difficile de retrouver les premières traces, les premières marques, parce que en fin de compte on peut très bien, il peut y avoir de la violence sans qu'il y ait des traces sur notre matériel archéologique qui consiste essentiellement à des squelettes, à des os. On peut tuer quelqu'un sans laisser de traces. Donc on est déjà un peu handicapé. C'est pour ça qu'on, bien sûr, que toute notre démarche scientifique va être de trouver des marques et de les confronter à des études qui permettent d'être sûr que ce sont vraiment des marques de violence. Mais aussi on va étudier les changements par rapport de période en période. C'est là où on peut jouer, parce que là on a les mêmes problèmes pour si on prend la préhistoire pour la période paléolithique que néolithique, et on voit qu'il y a une augmentation, par exemple. Donc là, on peut avancer des choses. Mais c'est vraiment un point au départ qu'il faut bien souligner. C'est très difficile de l'attester. C'est intéressant, Laurent Beck-Shankland, parce que dans ce petit manifeste, vous avez plutôt tendance à dire qu'il faut éviter le terme de violence, lui préférer la notion d'agression. Oui, alors ce qui a été dit à l'instant, justement, c'est que les traces, finalement, résultent d'un comportement qui a été réalisé. Et donc, on va essayer d'avoir une approche qui soit plus focalisée sur des comportements observables, c'est-à-dire, finalement, des actions qui sont supposées être non accidentelles, c'est-à-dire délibérées, manifestées par un agent qui va, finalement, blesser une cible, une victime, un organisme vivant, laquelle est motivée à éviter ce traitement. Voilà, c'est une définition de travail qui peut correspondre à l'agression. Mais en même temps, si on parle, c'est intéressant, parce que par exemple, la terminologie de violence n'est pas utilisée en éthologie, alors qu'on commence à l'utiliser en primatologie. Donc on voit bien qu'il y a un basculement, c'est-à-dire qu'on ne parlerait pas, et c'est ce que vous expliquez, on ne parle pas de violence quand on voit un lion attaquer une antilope, ou difficilement, alors que, vous voyez, là encore, il faut peut-être un peu préciser à quel moment ça fonctionne et quel est le point de bascule. Alors, pour tout dire, dans le cadre d'échanges qui a présidé à la rédaction de ce manifeste, il y a eu donc de riches communications des différentes disciplines qui étaient représentées. Et on ne peut pas dire qu'on se soit mis d'accord complètement sur une définition. On a essayé de cadrer au maximum, évidemment, le sens des mots, mais on était d'accord sur un désaccord, en quelque sorte. Et alors, ce désaccord, c'est de dire que violence, ça ne fonctionne pas, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, ben, ça va arranger nos débats pour les trois quarts d'heure qui restent. Alors, si on le précise. Non, mais c'est intéressant parce que le fait que le terme violence soit peu usité en éthologie alors que la primatologie y a recours, ça devient intéressant quand on passe également en paléo-anthropologie. C'est-à-dire qu'à quel moment on transfère la violence légitime, la violence pour se nourrir, à l'agression ou à l'agressivité. Quel est votre sentiment là-dessus, Marine? C'est-à-dire qu'en fin de compte, au niveau des preuves, et notamment des preuves archéologiques, c'est assez tard. Parce que on a très peu de traces certaines, après toute une étude assez pointue pour dire, je sais pas, une dizaine de cas pour tout le paléolithique, vous imaginez, c'est bon, c'est rien. Donc probablement, ça reflète pas la réalité. Mais toujours est-il que c'est très difficile, même ces cas-là, on peut pas savoir. Donc, c'est souvent interpersonnel. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on va voir beaucoup plus tard en néolithique, on n'a pas de charnier. Hein, ça, voilà. C'est clair. Donc, ça, c'est quand même très important. On a un cas de temps en temps dans un des sites, alors qu'on a plusieurs squelettes. Et on en parlera d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui apparaît plus interpersonnel. Donc, voilà. Donc, ça existait. Il y avait des bagarres, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il y avait mort d'homme, parfois. Mais c'est difficile, souvent, quand même, de savoir dans quel contexte. Est-ce que c'est un contexte de territoire, par exemple, de bataille pour un territoire, ou pour l'alimentation. Donc on essaie de remettre dans le contexte pour éliminer différentes hypothèses. Donc si on est dans un endroit où en fin de compte il n'y a pas de problème de subsistance, il y a beaucoup de gibier, etc., on ne voit pas tellement pourquoi. Donc on essaye comme ça par élimination et il va nous rester des possibilités d'un conflit interpersonnel. Et on verra que tout ça évidemment donne lieu à beaucoup d'interprétations. Pour revenir à cette définition préliminaire, peut-être quelque chose, ou en tout cas une acception qui semble être un terreau sur lequel tout le monde se met plus ou moins d'accord, c'est la notion de violence létale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez dans cette notion de violence létale? L'expression, évidemment, est parlante, hein, c'est-à-dire une violence qui donne lieu à la mort d'un être vivant. Et on va évoquer effectivement les motivations qui vont présider à ces violences, hein, puisqu'on peut distinguer des motivations qui sont plus instrumentales, c'est-à-dire que la violence va être réalisée dans le but d'atteindre un objectif. Ça peut être un objectif alimentaire, territorial, ou bien dans un but plus expressif ou plus émotionnel, c'est-à-dire qu'on va finalement manifester une violence qui est l'expression d'une irritation, une violence hostile. Et cette distinction-là est intéressante parce qu'effectivement, la planification et les circonstances n'ont pas les mêmes effets, bien sûr, sur les comportements. Et on parle principalement de violence létale contre des membres de la même espèce. C'est-à-dire pas de violence... On évacue peu ou prou la violence létale alimentaire. Voilà, c'est ça. Lorsqu'il s'agit du réseau trophique, hein, de l'alimentation d'une espèce... utilisant l'autre, eh bien, on ne parlera pas effectivement de violence. On va essayer, vous allez voir, et vous, ce n'est que le début, c'est une notion complexe quant à réussir à comprendre et à établir d'où vient cette violence, si une fois de plus elle est consubstantielle ou non à l'homme avec bien les traces fossiles du registre dont on dispose, quelles sont les interprétations que l'on peut en faire, et puis de l'agression à la guerre, il n'y a qu'un pas, la guerre est-elle humaine, quand est-elle apparue, fait-elle partie d'autres espèces que de celles du genre Homo sapiens, c'est bien les longues et passionnantes discussions que nous allons avoir au cours de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous tâchons donc aujourd'hui de retracer une histoire naturelle de la violence en suivant ce petit manifeste du Muséum National d'Histoire Naturelle auquel ont contribué nos deux invités, Marilène Patou-Matisse et Laurent Beg-Chankland. Il est évidemment inévitable, quand on pose cette question, de se référer notamment à la base finalement, ou en tout cas à l'origine de ces deux auteurs qui ont, à quelques dizaines d'années d'écart, réfléchi à la nature violente chez l'être humain, Hobbes et Rousseau. On ne peut pas en faire l'économie, Laurent Beg-Chankland. Oui, dans les conceptions des antagonismes philosophiques, hein, on va opposer une conception selon laquelle l'être humain est finalement intrinsèquement mu par des pulsions de prédation et d'agression, c'est la position hobbesienne, et puis une position que l'on assimile à Rousseau, qui mettra davantage en avant l'origine de la société, la construction d'inégalités qui va alimenter finalement l'envie et les violences entre les personnes et entre les groupes. Donc cette distinction question, elle peut sembler un petit peu évidemment artificielle, elle est souvent reprise. Encore récemment, un psychologue canadien, observateur des comportements précoces d'agression chez les enfants, Richard Tremblay, s'en servait pour mettre en scène effectivement son argumentaire en défendant l'idée que les enfants très jeunes sont très agressifs et ils apprennent à ne pas l'être. Marilène Patouvatis, votre point de vue sur cette dispute historique, philosophique qui a structuré l'histoire de la pensée à la Renaissance. Oui, je pense qu'elle est encore très marquée. C'est-à-dire qu'on voit encore maintenant quand même les deux écoles, si je puis dire. Il y a vraiment quand même un groupe qui pense que c'est intrinsèque. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire que c'était génétique. On a même lu quand même des propos où il y avait des gènes de la violence, par exemple. Bon, alors là, je pense que quand même. C'était à la grande époque où on trouvait des gènes pour n'importe quoi. Voilà. Je pense que quand même, ça, on peut. Oui, mais il y en a encore, malheureusement, si j'ose dire, qui utilisent ça. Bon, on peut quand même un peu les garder. Mais toujours est-il, il y a vraiment encore ça. Il y en a qui sont absolument persuadés que la violence est vraiment intrinsèque à l'homme. Et puis l'autre qui pense que c'est plus justement quelque chose, que l'agressivité est quelque chose, voilà, si on a besoin de se défendre, défendre son enfant, chercher une nourriture, pas mourir, etc. On peut être agressif, mais par contre une violence, c'est-à-dire vraiment qui mène à un conflit, c'est-à-dire qui peut mener à un génocide ou qui peut mener à un massacre ou à la guerre. Là, c'est voilà, la guerre, c'est quand même construit. Voilà, il y a quand même des raisons. Ça repose sur quelque chose qui est souvent mené d'ailleurs par des élites, des dirigeants. C'est ça. Si la violence est évidemment un concept assez abstrait, elle est consubstantielle à la guerre. On va voir que la violence, on l'interprète quand on en trouve des traces. On va en discuter dans quelques minutes. La guerre, elle est plus concrète et on voit qu'on en trouve des traces, mais très très tardivement. On va poser cette question, et c'est ce qui est passionnant dans ce petit ouvrage, c'est que psychologue, éthologue, préhistorienne en l'occurrence, archéozoologue, c'est vous encore. Bref, il y a vraiment tout un panel et une primatologue également qui essaie de réfléchir, puisque si on revient aux origines, on peut se poser la question de voir chez les espèces qui sont les plus proches de l'homme s'il y a déjà l'apparition de comportements violents. Et on en arrive vite à une conclusion, c'est que la violence létale dont on parlait, Laurent Beck-Chanclante, survient a priori lorsque les espèces sont à la fois sociales et territoriales. Oui, absolument. Il y a différents travaux qui en témoignent. Il y a des recherches récentes qui ont été analysées justement les différentes dimensions comportementales des espèces. Et c'est vraiment un aspect très important. Effectivement, l'espèce finalement apparemment la plus violente est aussi la plus sociale. C'est la nôtre. Et donc on est la plus agressive, on pourrait dire. Donc on a vraiment effectivement une dimension interactionnelle qui semble être au cœur de la violence entre les êtres. Et on constate également la violence létale s'hérite, c'est-à-dire qu'on peut la voir comme ça progresser sur l'arbre phylogénétique avec des taux. Alors ça aussi, c'est des choses que je trouve assez passionnantes, qui sont estimées à une mort violente pour 300 individus chez les mammifères. Et plus on remonte vers l'être humain, plus ça grimpe jusqu'à, a priori, et là on parle vraiment de l'origine des hominines, mais de 2%. Alors je ne sais pas très bien comment on arrive à ces chiffres, Marilène Patoumatis, vous pouvez nous expliquer un peu comment on trouve ces chiffres et comment on voit que le taux de violence létale augmente finalement au fur et à mesure de l'évolution phylogénétique. Ah oui, moi je suis très craintif sur ces chiffres. Je dois vous dire, c'est comme sur les chiffres de la démographie au paléolithique, à quelle période on parle, où on parle. Donc je pense que c'est un peu délicat, mais ce qui est clair, c'est qu'on voit une augmentation. C'est-à-dire que ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qui augmente, même déjà les périodes plus anciennes, avant les périodes historiques au néolithique. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de cas. Donc proportionnellement, évidemment, ramené au nombre de squelettes, on a quand même beaucoup plus de cas. Donc c'est la seule chose qu'on peut voir. Alors le pourcentage, moi je vous le dirai pas. Laurent Beck-Chanclante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des évolutions historiques qui vont porter justement à pouvoir constater un déclin. Par exemple, au XIVe siècle, il y a à peu près par an 100 homicides, 100 morts pour 100 000 habitants. Au XVIIe siècle, on n'est plus qu'à 10 pour 100 000 et au XXe siècle, on est à 1 pour 100 000. Donc on a un déclin, en tout cas en Europe occidentale, qui a été bien identifié par les historiens sur la base d'archives directes, diverses, et qui montre que cette violence, elle semble se coordonner, s'organiser, diminuer. Et tout l'intérêt, évidemment, d'une approche interdisciplinaire, c'est d'arriver à comprendre quels sont les dispositifs sociaux qui construisent finalement l'être humain pacifique que nous connaissons. Oui, je voulais juste rajouter qu'il faut qu'on voit moi, dans l'histoire, et même chez les peuples appelés des peuples traditionnels, qui subsistent encore, que ce soit des chasseurs-cueilleurs ou des horticulteurs, on voit qu'il y a des peuples qui sont plutôt dans l'agressivité, si j'ose dire, avec une relation à la violence assez forte, avec notamment, ça se voit parmi les rituels masculins, hein, pour les jeunes hommes, pour passer à l'âge adulte. Et au contraire, il y a des sociétés qui, à la même époque, s'en écartent. Donc c'est ça aussi qui est complexe. C'est-à-dire que donc forcément qu'il y a quelque chose qui joue, et malheureusement on peut pas exactement cerner quoi, mais ça c'est quand même intéressant. C'est pas toutes les sociétés à tous les moments qui ont toujours été violentes. Il y en a vraiment qui ont construit quelque chose, des valeurs sur lesquelles repose leur groupe, leur société, différentes, hein, plus ou moins violentes, et c'est très marqué dans les rites initiatiques. Alors on va y revenir, si on reste encore un instant au niveau pré-humain, ou en tout cas chez nos plus proches cousins, à savoir les grands singes, notamment chez les chimpanzés. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu au muséum pour recueillir l'avis d'une primatologue qui est également contributrice à cette histoire naturelle de la violence, c'est Chérie Mazzi. Oui, donc Chérie Mazzi, elle est spécialiste des gorilles et elle est maîtresse de conférence au muséum d'histoire naturelle. Si la violence n'est pas un terme auquel font souvent référence les éthologues ou les primatologues pour caractériser des comportements agressifs chez les animaux, il arrive parfois que certains comportements anormaux et isolés puissent être caractérisés de violents. Chérie Mazzi nous explique donc en quoi consistent ces comportements exceptionnels, ainsi que les raisons qui pourraient peut-être les expliquer. On a parlé très peu de violence chez les primates, mais c'est vrai que parfois on a utilisé ce mot pour des comportements qui sont aberrants, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la normalité de ce qu'on s'attend dans le répertoire comportemental. Par exemple, chez les gorilles que j'étudie, les doigts argentés qui forment une famille sont souvent attaqués par un autre doigt argenté qui est solitaire ou qui a une autre famille et vont faire de l'infanticide, ils vont essayer de tuer le petit enfant d'un groupe familial. Ça peut être jugé cruel par nous, mais ça fait partie de leur système social. Donc on voit pas ça comme quelque chose qui est violent. Mais par contre, de l'autre côté, par exemple, chez les chimpanzés, il y a les différentes communautés sont séparées dans différents territoires. Et souvent, les chimpanzés ont la tendance à faire des patrouilles à la bordure de leur territoire pour voir s'il y a des invasions par les communautés voisines. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très connu chez les chimpanzés. La majorité des chimpanzés le font. Donc, c'est vu comme quelque chose de normal. Mais certains de ces rencontres ont été vues comme des guerres, et des guerres très violentes. Notamment, c'était la première qui a parlé des violences. C'était Jane Goodall, qui étudiait les chimpanzés à Gombe, et qui a vu, par exemple, des chimpanzés qui appartenaient à des groupes voisins, des communautés voisines, qui faisaient cette guerre, mais avec des actions très violentes, par exemple déchirer partie du corps de l'autre, déchirer les testicules des mâles ou tuer les enfants, juste pour des questions de territoire. Et la chose qui l'a impressionné le plus, c'était aussi que ces individus, même s'ils appartenaient à des communautés différentes, en fait, ils étaient grandis ensemble, parce qu'avant, ils appartenaient à la même communauté. Donc, elle a trouvé ces observations extrêmement cruelles, et donc, elle a parlé des violences. On parle des violences aussi chez les gorilles, par exemple, les gorilles de montagne. Je vous avais expliqué que c'est normal, des conflits entre les mâles, qui peut être très agressif. Mais, par exemple, on a parlé des violences chez les gorilles de montagne récemment, parce que la population des gorilles de montagne est augmentée incroyablement dans les dernières années, grâce à des actions de conservation internationale qui ont permis de protéger la forêt, de mieux les protéger. Donc, c'est la seule population des grands singes qui n'est pas en train de diminuer, mais elle a augmenté au point que l'espace qui reste de la forêt au Rwanda est pas assez pour la population qui a trop agrandi. Et donc, tous les individus qui vivent dans cette forêt n'ont pas assez à manger ou assez d'espace. Et donc, les conflits entre les groupes sont devenus beaucoup plus agressifs, plus fréquents. Il y a beaucoup plus d'infanticides. Et donc, dans ce cas, on parle d'une violence qui est augmentée à cause d'une cause extérieure, qui c'est le fait que la population a augmenté, l'espace s'est réduit. Et donc, là, on parle des comportements qu'on voit dans le répertoire des grands singes, notamment des gorilles, mais le taux de violence et d'agression est tellement élevé qu'on trouve ça abnormal et donc on trouve que la violence est augmentée. Là, on parle de violence ou d'agressivité excessive au sein de mêmes espèces. Vous avez parlé des chimpanzés puis des gorilles. Est-ce qu'il existe aussi des violences interspécifique entre chimpanzés et gorilles, par exemple? Oui, ça, c'est beaucoup plus rare, trouver des violences entre différentes espèces, même si je pense qu'on peut le voir souvent chez notre espèce qui fait de la violence vers d'autres espèces animales. Mais c'est vrai que récemment, une équipe de l'Allemagne a pu mettre en évidence des observations de chimpanzés qui ont tué des petits enfants de gorilles. Et effectivement, ça c'est une nouveauté qu'on n'a jamais observée et qui, à mon avis, peut être le fruit de ces patrouilles des territoires des chimpanzés. En lisant l'article, je l'interprétais que probablement il était excité parce que c'est un moment de très grande excitation quand ils font des patrouilles sur le territoire. S'ils trouvent quelqu'un qui est de l'adversaire, ils vont tout de suite l'attaquer. Ça peut être possible qu'un jour, ils n'ont pas trouvé les chimpanzés, mais ils ont trouvé, par exemple, les gorilles qui étaient sous l'arbre, où ils ont l'habitude de manger les chimpanzés. Et donc, ils ont l'excitation de ce comportement l'a amené à attaquer le gorille. Cela m'a fait penser aussi à un autre chimpanzé qui est très connu, un chimpanzé qui a été étudié par Jane Goodall, qui s'appelait Frodo, et qui était connu pour sortir de la forêt et aller dans les villages autour, villagement, et vraiment kidnapper et tuer les petits bébés humains. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a été décrit, mais qui est resté des cas isolés. Et c'est exactement là dont on parle de violence. Donc ça peut être aussi lié à une aberration comportementale liée à l'individualité d'un certain individu qui, pour X raisons, se comporte de cette façon. Là, on parle du coup d'un individu un petit peu à part. Est-ce que ces comportements violents, qu'ils soient individuels ou collectifs, quand, comme vous l'expliquez tout à l'heure, il y a de plus en plus de gorilles, donc de plus en plus d'agressions, est-ce que ces comportements violents, agressifs, sont du coup le sujet et l'objet d'études plus poussées par vous, les primatologues? Est-ce que ça devient une problématique importante? Oui, bien évidemment, quand on voit des comportements qui sont différents de la normalité, ça attire notre intérêt de creuser un peu plus et voir les raisons pour lesquelles il y a un comportement bizarre. Par exemple, c'est important de comprendre s'il y a des situations écologiques pour la population qu'on étudie qui ont pu changer et ont pu changer leur comportement de façon qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce que ça passe au niveau écologique et donc voir aussi comment mieux protéger ou résoudre la situation. Voilà le point de vue passionnant de la primatologue Shelly Mazzi dans cette histoire naturelle de la violence telle qu'elle s'exprime chez nos six proches cousins, les grands singes. Un commentaire à ce que vous venez d'entendre, Laurent Beck-Shankland? Peut-être la question territoriale est intéressante parce qu'on peut faire des parallèles ou en tout cas démarrer des réflexions autour justement de différences interspécifiques puisque chez les humains, par exemple, sauf cas particulier, il n'y a pas de lien direct entre la densité et l'agression. Hein, on peut voir effectivement des villes japonaises très très denses où le taux d'agression est beaucoup plus bas que des villes américaines qui le sont moins. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui se présentent comme étant modulateurs des comportements chez les humains. Marie-Hélène Patou-Matisse. Oui, c'est vrai que je réfléchissais justement à la notion de territoire parce que c'est une notion qu'on aborde beaucoup en préhistoire. Déjà pour voir un peu la mobilité des sociétés, je parle des Néandertaliens par exemple et des sociétés des premiers hommes modernes. Et c'est un sujet qu'on avait abordé par rapport justement à la disparition des Néandertaliens. Ça avait été une des hypothèses. Dire qu'avec l'arrivée des sapiens de plus en plus, enfin, plusieurs arrivées, hein, cette mobilité des Néandertaliens, donc ils sont obligés de reculer parce qu'on n'a pas justement de traces de charniers, de conflits, d'évitements, donc aurait pu se traduire peut-être aussi sur cette notion d'extinction à cause de ce conflit territorial. On n'en a pas la preuve, mais c'est vrai que ça a été quelque chose de pensé parce qu'on voit très bien que sur un territoire, plus on met de monde au niveau de l'alimentation, là je parle des ressources et des ressources, je veux dire, quand il n'y a pas de production, hein, quand on n'est pas encore des producteurs. part. Bon, c'est vrai que ça peut causer là, des problèmes et ça peut causer des conflits. Donc, c'est vrai que il y a deux choses qui se passent. Soit on va au conflit, donc il y a des morts. Soit, en fin de compte, on fait le processus d'évitement, c'est-à-dire qu'on voit des déplacements. Donc, ça, c'est intéressant. Je crois que c'est quand même un facteur, en tout cas dans certains types de sociétés, avec certaines économies, qui a dû jouer un rôle important. On va se poser la question dans la deuxième partie de l'émission, de savoir si effectivement, bien, pour ces premiers hominines qui sont très épars sur le territoire européen, sommes-nous passés finalement d'une société éparse, pacifique, de chasseurs-cueilleurs, à une société violente et guerrière de sédentaires agriculteurs? C'est une vaste question que pose la préhistoire, mais c'est une question passionnante. On en parle dans un instant, restez avec nous. It's not what it seems. I just can't start to say. It was easy for days of pain and fear. Something was broke, my skin hard like a oak, my mind hard like a oak. It's not written on my face. You wouldn't know it. It's buried in my leather case. I've got a memory of our land. It's not written on my skin. You couldn't see it. It's a ripple. History of Violence de Moriarty à 16h40 sur France Culture, puisque c'est exactement le thème de notre émission, une histoire violente, une histoire de la violence, mais une histoire naturelle de la violence à travers les espèces, à travers les âges. Nous en parlons avec Marianne Patoumatis, qui est préhistorienne, directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Laurent Begg-Shankland, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble-Alpes. Alors, Marianne Patoumatis, dans votre préhistoire de la violence et de la guerre chez Odile Jacob, vous le disiez déjà un peu tout à l'heure, mais on peut rentrer dans le détail, que nous dit exactement le registre fossile? C'est-à-dire qu'au paléolithique, grosso modo, il y a pas tellement de traces, il y a surtout de la place pour l'interprétation. Ben oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, selon ce que l'on pense ou nos sentiments, nos valeurs, on va plus aller vers quelque chose en disant oui, l'absence n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de marque et tout qu'il n'y a pas eu de violence. Soit on va dire oui, mais attends, on est des scientifiques, faut quand même, si tu dis qu'il y a de la violence dès le départ, il faut le prouver. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et quand on commence à étudier le registre, la documentation, on s'aperçoit que au niveau du matériel que l'on a, les premières traces vraiment qui sont intéressantes, c'est sont très anciennes, 780 000 ans, c'est Atapuerca. C'est quoi 780 000 ans? Le site de Atapuerca, oui. Donc c'est la Grande Dolina où on a des homo antécesseurs, mm-hmm. Donc 780 000 ans. Là où on a les premières traces de cannibalisme. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que le cannibalisme, bon, il est pluriel, mais il peut aussi être voilà, précédé d'un acte de violence. Mais malheureusement, très souvent, nous, ce qui nous reste, de toute façon, c'est que les manger. Hein, on n'a pas les mangeurs. Donc, on ne sait pas déjà si c'est intra-groupe ou enfin, il y a vraiment des discussions. On ne sait pas si c'est alimentaire ou si c'est rituel. On travaille, on essaye, on avance beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur la taphonomie, développer des méthodes pour justement essayer de montrer. Mais c'est très difficile, très difficile. En tout cas, on fait ce constat. On a quand même des traces d'actes humains sur un corps humain. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et de voir ces premières traces, c'est dans ce contexte-là. C'est pas un contexte justement de traces qu'on peut trouver sur un individu, un coup porté ou qui n'a pas provoqué la mort. Voilà. Alors des fois on a quand même quelques rares cas où le cannibalisme, on voit que la personne, enfin une des personnes qui a été mangée a un coup sur la tête. Bon, on peut s'interroger quand même. Donc mais c'est rare. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir que c'est les plus anciennes. Sinon les traces, par exemple d'un coup sur la tête qui a entraîné la mort, parce que on a aussi beaucoup de traces de coups qui n'ont pas entraîné la mort. On voit un début de cicatrisation, donc il n'y a pas eu la mort, c'est pas létal. Donc, quand on a létal, c'est 200 000 ans, donc c'est beaucoup plus récent. Et là, on a quelques cas. Si je prends le Sud-Ouest, il y a eu une étude qui a montré sur 209 cas, il y en avait 5 seulement de cas où il y avait de la violence, et sur ces 5, il y avait 2 du paléolithique supérieur, donc par homo sapiens. Donc vous voyez, c'est réduit, c'est pas énormément. Mais je vous dis, il faut garder là aussi un peu de sérieux en disant, bon, ça prouve pas non plus totalement qu'il n'y avait pas du tout de violence. Par contre, pour moi, quand même, ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de conflit entre les groupes d'une façon intensive. On n'a pas de charnier, c'est toujours un ou deux squelettes, sauf dans le cas du cannibalisme. C'est ça qui est intéressant. Laurent Beck-Chanclonde, le cas du cannibalisme, c'est effectivement quelque chose de très à part. C'est évidemment un acte que l'on qualifie, nous, aujourd'hui, avec nos standards contemporains, de violent. Il est difficile de savoir, est-ce que si le cannibalisme est rituel, d'un seul coup, on peut l'associer à quelque chose de plus violent, ou même encore là, on est dans une forme de violence létale très particulière, qui n'est pas celle que l'on entend ou celle que l'on recherche exactement, qui conduit à la guerre. Oui, alors je ne sais pas, parce que le cannibalisme, effectivement, aujourd'hui, il y a un cas qui a été très médiatisé il y a quelques années. C'était un Allemand, je crois, qui avait passé une petite annonce pour recruter quelqu'un qui était consentant pour être consommé, abattu puis consommé. Il a trouvé d'ailleurs un client qui est venu chez lui et qui s'est laissé faire. Qui était encore conscient d'ailleurs quand il s'est passé. Donc c'est le cannibale de Rothenburg. Et donc effectivement, finalement, du point de vue conceptuel, ce ne serait pas une violence, ça serait un acte de masochisme en quelque sorte. Donc, finalement, la victime est consentante. Semblerait, en tout cas. Alors, bien sûr, le cannibale a été incarcéré, jugé. Il est encore dans les geôles germaniques. Mais c'est vrai que ça nous fait évidemment froid dans le dos, d'une part. Et puis, ça renvoie à un imaginaire absolument incroyable, hein, le cannibalisme. Ceci étant, je pense que pour bien comprendre ce phénomène, il faut renvoyer au cadre rituel et finalement culturel, le sens que cela peut avoir, indépendamment d'un aspect très psychopathologique ici. Il ne faut pas oublier que l'endocannibalisme, par exemple, c'est un rite funéraire. Hein. C'est-à-dire, si je peux être un peu familière, on mange un bout de sa grand-mère. Hein. Bon, en général, on ne la tue pas pour accélérer le processus. Mais voilà, et donc c'est un vrai rite funéraire. Et c'est là sur quoi on doit travailler pour trouver des indices, parce que nous, c'est compliqué. Il y a le cannibalisme, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, Marie-Hélène Patou-Mathis. On va vous renvoyer à l'émission que nous y avons, que nous y avions consacrée il y a quelques mois de cela. La question qui se pose, si on avance avance un peu dans le temps, donc paléolithique, on n'a pas grand-chose. Les premières traces de violence véritable attestées, c'est le néolithique. Il y a un site qui est très intéressant, c'est le site S117. Alors là, il faut savoir, c'est un petit peu avant. C'est-à-dire que c'est à cette transition, hein, puisque c'est entre 14 000 et 13 000 ans. Donc il y a un site qui a la limite entre l'Égypte et le Soudan actuel. Et c'est vrai que là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a 59 squelettes, des hommes, des femmes, des enfants. Et la moitié présente des coups, présente des marques, etc. Alors, notre difficulté, c'est un peu la discussion qu'on a aussi au sujet des couches de guerre. C'est-à-dire que, est-ce que l'empilement comme ça de plusieurs squelettes, est-ce que c'est le même événement ou pas? Est-ce que ça change? Il y a la datation qui permet quand même de discriminer. Oui, mais justement, les datations donnent 1000 ans. Donc, si pendant 1000 ans, vous mettez des corps, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme dans un cimetière. Donc, il y a une difficulté de savoir si c'est mort. Voilà, si, supposons sur les 59, on va dire il y a une trentaine qui peut-être ont été tués volontairement, mais est-ce que c'est d'un seul coup? Ou est-ce que, en fin de compte, voilà, c'est plusieurs années, un par an, ça change un peu le regard. Donc ça, c'est une discussion quand même sur ça, mais c'est un fait que là, c'est quand même très intéressant, on a ça. Mais ils sont enterrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas non plus sur un champ de bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, on parle de couches de guerre. Mais il y en a, oui, parce que c'était un débat qu'on a discuté sur ça pour les périodes néolithiques. Et on a remis d'ailleurs en question les personnes qui travaillaient sur ça, mes collègues, remis en question parce que justement, en faisant des datations plus fines, parce que maintenant on a la chance de raccourcir les fourchettes au niveau des datations, on a des choses où ça montre quand même que c'est plus près, ou au contraire, justement, que c'est sur 1000 ans ou 1200 ans. Alors là, on peut pas savoir, c'est peut-être un par an, voire tous les deux ans, tous les 10 ans. Donc c'est quelque chose, là aussi, il y a un vrai travail avant de dire c'est ça, il faut vraiment bien analyser. On a un autre cas qui est au Kenya, Naruruk, j'ai un peu de mal à prononcer, où là aussi on est vers 9 000-10 000 ans, il y a 9 000-10 000 ans, où donc on a également des traces là des squelettes, et c'est très curieux parce qu'ils sont au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans un habitat ni rien, et ils sont là et certains ont les mains attachées. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Certaines femmes ont les mains, on voit que c'était les mains tachées. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en plus, à côté, on a mis des coquillages. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Alors là, est-ce que c'est des sacrifices? Est-ce que, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on constate des faits. On peut dire, là, il y a eu probablement des actes de violence, mais après, interpréter le pourquoi du comment, ça reste très difficile. C'est extrêmement difficile, justement, cette notion d'interprétation, c'est-à-dire faire abstraction de nos biais de contemporanéité. Comment est-ce qu'on peut qualifier, comment on peut appliquer une démarche scientifique pour essayer de lire ces couches de guerre, de lire ce registre fossile sans le surinterpréter ou sans se tromper d'interprétation? Oui, alors bien sûr, chaque discipline scientifique a ses méthodes, a ses instruments de mesure, a ses critères de décision. Et donc effectivement, je dirais, toute discipline va mettre en place des protocoles qui permettent de statuer sur la qualité, sur la nature des violences dont elle traite. Par exemple, lorsqu'on étudie les comportements agressifs au laboratoire aujourd'hui, on va devoir stimuler des comportements agressifs, les observer et déterminer quelles sont leurs causalités, leurs antécédents. Par exemple, il y a des tâches qui ont été construites par des chercheurs qui permettent justement de mesurer l'intensité de blessures, en tout cas que l'individu veut administrer à quelqu'un. Par exemple, dans une tâche classique, des participants peuvent administrer à une autre personne des chocs sonores ou même des chocs électriques d'ailleurs. Alors c'est moins fait maintenant, mais c'était encore fait il y a une dizaine d'années. Donc une situation classique où par exemple il y a une provocation qui est organisée dans le cadre d'une sorte de jeu compétitif qui est médiatisé par des ordinateurs, et si la personne perd, eh bien, elle reçoit un choc sonore dans ses oreilles qui a été choisi par son adversaire. Et à l'inverse, si elle gagne, elle peut déterminer à la fois l'intensité et la durée de ce choc. Et donc, on peut comme cela avoir une mesure qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas lésionnelle, mais qui est tout de même, qui manifeste une intention de blesser et qui est comportementale. Et on peut déterminer, par exemple, si les personnes, avant l'expérience, ont été alcoolisées ou bien si elles ont été sous l'influence d'une chaleur extrême. Donc, on peut manipuler finalement des facteurs contextuels environnementaux pour voir s'ils ont un effet causal sur les comportements observés. Ça fait penser au test de Milgram, par ailleurs. Voilà, alors Milgram s'intéressait plutôt à la soumission à l'autorité et pas à la production de comportements violents envers autrui. Dans l'objectivation, absolument. Ouais, ouais. Alors, on va revenir un peu dans le temps. Non, mais ce qui est intéressant, parce que la question, Marilène Patoumatis, que je posais avant la pause musicale, qui est aujourd'hui une vraie question qui est en suspens, il y a ces partisans qui disent, voilà, à l'origine, et donc les rousseauistes, en quelque sorte, qui disent à l'origine, Homo sapiens, ou en tout cas les hominines, sont des chasseurs-cueilleurs très épars, donc il y a très peu de problèmes de territorialité, parce que la démographie européenne est extrêmement faible, donc il y a vraiment beaucoup de territoire pour tout le monde. Et puis, les problèmes de violence systémique, de violence guerrière, viennent avec l'apparition de la sédentarisation, et donc, d'une façon très que n'aurait pas renié Engels, avec l'apparition de la propriété, finalement. D'ailleurs, beaucoup de travaux citent, et les meilleurs citent aussi Engels, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Est-ce que ça, on a des traces, est-ce qu'il y a des traces fossiles qui permettent de faire basculer un peu dans un camp ou dans un autre cette vision peut-être un peu facile et un peu simpliste? C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement, le plus significatif, c'est l'apparition de plusieurs cas en même temps. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Dire que on voit très bien que quand même, à partir du mésolithique, à partir de cette transition vers le néolithique, donc par exemple là justement ce qu'on parlait tout à l'heure, on est sédentaire, mais on n'est pas encore producteur. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Et donc on voit qu'il y a quand même là des choses qu'on n'avait pas avant, c'est vraiment des charniers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, on peut même avoir un village. C'est-à-dire qu'on voit que quand on fait la courbe de mortalité de la population, on a tout, c'est comme une population vivante, si vous voulez, qui a été éradiquée. Et des fois, avec des choses intéressantes, c'est le retrait des adultes dans la force de l'âge. C'est-à-dire que hommes et femmes ont été enlevés. C'est là, c'est vraiment le... Et ça, on voit apparaître à ces périodes-là. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un autre système qui nécessite, par exemple, pourquoi justement ces razzias pour prendre des gens? Parce que on est agriculteur, on a des champs de plus en plus grands, il faut des travailleurs, etc. Ben, il faut aller les chercher. Au départ, peut-être ça se passait bien, mais on voit très bien qu'à partir de 4000 ans, en Europe, ben là, on voit que ces charniers apparaissent, donc ça peut être une des réponses. On voit aussi les charniers qui apparaissent, peut-être aussi en lien avec, alors là, c'est plus symbolique, mais il y en a qui l'ont exposé, donc il faut le dire, des sacrifices. C'est-à-dire que ça, c'est important, il y a une mauvaise récolte, il y a des épidémies, on les comprend pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc on là aussi, on a des cas où peut-être, on peut le dire, il y a des sacrifiés. Donc ça, c'est préférentiellement sur des femmes et des enfants, par ailleurs. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui montrent qu'il y a ces préférences. On a aussi dans des fondations, dans des silos, etc. Donc des lieux bien particuliers où on a fait probablement des sacrifices. Donc on voit que se met en place quand même ce système-là. Et ce qui est très intéressant, comme parallèle, on parlait tout à l'heure des animaux, c'est que par exemple, je travaille beaucoup sur les animaux. Au paléo, il n'y a pas chez les chasseurs-cueilleurs de sacrifice d'animaux. Alors qu'on va voir dans les sépultures, sacrifier les animaux domestiques vont être sacrifiés, vont accompagner le défunt. Donc ça, c'est une petite note intéressante. Donc on va voir arriver aussi, c'est bien documenté par certains travaux sur les moulins, dans la Drôme par exemple, aussi des moulins, l'arrivée des esclaves qu'on va sacrifier pour les maîtres. Donc on est quand même dans un autre système où le rapport à l'autre est quand même varié, ou cette notion de sacrifier l'autre, cette notion de l'exploiter peut-être pour travailler, etc., et de le tuer, de ne pas avoir peur d'éradiquer comme ça toute une population, on voit quand même que c'est assez nouveau. Ce qui est certain, c'est qu'on voit en tout cas dans le registre fossile une augmentation très nette des marqueurs de violence vers 3000, je dirais même 4000, avant, 4000, on peut 4000, dire que ça 3000, commence, 2000 ans. Vous savez, les vagues de, faut bien voir qu'il y a les vagues de migration, il y en a plusieurs. Et donc, on va dire que la première vague, c'est vers 9000 ans en Europe, ils viennent du Proche-Orient, ils amènent leurs bêtes et leurs graines. Et donc, ils vont petit à petit s'implanter, mais il va y avoir plusieurs vagues. Et la vague, notamment, qu'on appelle les Danubiens, etc., vers 5000 ans. Et c'est là où on voit augmenter de plus en plus, d'ailleurs, du cannibalisme, encore plus de cannibalisme. Et aussi là, vraiment des choses, on sent que c'est une période quand même très difficile entre 5000 et 4000 ans. Mais il va y avoir quand même, je pense qu'il va y avoir quand même des acculturations et tout ça, des passages qui vont se faire bien, parce que les données génétiques actuelles montrent dans notre population quand même que nous avons énormément de, quasiment plus de gènes paléo et énormément de gènes de ces on va dire éleveurs, agriculteurs qui viennent du Proche-Orient. Une question rapide, le mythe selon lequel finalement ce qui a fait le succès de Sapiens sur tous les autres genres, sur tous les autres hominines, c'est justement son agressivité, ça c'est un mythe ou est-ce que ça peut être un peu attesté? Non, moi je pense que ça relève plutôt quand même du mythe, parce que la différence des autres espèces, on s'aperçoit par exemple, si je prends ce que je connais le mieux, les Néandertaliens, à la différence des Néandertaliens en Europe, il n'y a plus d'alimentation, ils sont alimentés par ailleurs, ils sont en Europe, donc c'est les populations qui sont là. On voit qu'il y a une consanguinité importante et tout, donc il y a vraiment des problèmes. À partir de 50 000 ans, déjà il y a une diversité moindre au niveau génétique, alors que les sapiens, ils sont toujours alimentés, parce que les sapiens sont très présents en Afrique depuis très longtemps, donc ils arrivent, ils sont toute l'Afrique, ils montent vers le nord, ils vont jusqu'au Proche-Orient, c'est toujours alimenté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, alors que les Néandertaliens, eh ben, la population, elle se réduit, il n'y a pas de Néandertaliens qui viennent d'Asie ou qui viennent d'Afrique. Donc je pense que c'est plus, c'est l'arrivée en permanence d'Homo sapiens, donc il va pouvoir conquérir, parce que les populations locales ne sont pas suffisamment au niveau du nombre, suffisamment important. Donc, je crois que c'est plutôt un remplacement dans ce sens qui est plutôt lié à un problème de démographie des autres populations. Et à ce propos, je vous renvoie à l'entretien que nous avions jeudi dernier avec Jean-Jacques Hublin sur la notion de Homo sapiens en tant qu'espèce invasive. C'était tout à fait passionnant. Pour conclure, Laurent Beck-Chankland, ce qui est intéressant, si on poursuit ou si on laisse cette histoire s'ouvrir et se déployer jusqu'à la contemporanéité, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'apparition de superstructures sociales, type société, ville, cité, état, a plutôt au contraire tendance à faire réduire la violence létale interpersonnelle que l'on constatait avant, pour changer de camp, entre guillemets. Oui, alors, je pense qu'on peut tirer les conclusions de ce qui a été dit, dans le sens où, de manière très ancienne, on repère des logiques tribales qui vont très fortement alimenter les oppositions et les antagonismes létaux. Donc on a effectivement ces logiques-là qui sont très présentes, et je dirais que c'est une caractéristique vraiment intrinsèque de l'humain que d'être justement orienté vers l'opposition intergroupe, même parfois pour des critères assez futiles. On va finalement augmenter de manière parfois assez artificielle ces différences entre groupes, et dès qu'il y a des enjeux en présence, eh bien, ça amplifie les antagonismes, bien sûr, qu'ils soient, et ça a été dit, matériels, territoriaux, alimentaires. Une fois que les sociétés se grandissent et se développent, eh bien, des systèmes de régulation, de contrôle vont se mettre en place, puisqu'effectivement, c'est très coûteux pour une société de manifester ses comportements, en tout cas que ses membres se détruisent mutuellement. Et donc, il y a des systèmes normatifs, des systèmes juridiques qui vont précisément évoluer jusqu'à ce que, in fine, un État s'autorise à réguler les interactions, même interpersonnelles. Effectivement, la légitimité de la force qui va être remise à une autorité particulière. Et c'est bien à partir du renoncement finalement à la justice que l'individu voudra se faire qu'on va observer aussi des diminutions des violences interpersonnelles. En un mot, Marie-Hélène Patou-Matisse, la première guerre attestée dont on est sûr, ça c'est la question piège, la question super banco. Je crois que c'est extrêmement difficile, on peut la situer probablement au cours du néolithique, dans vers peut-être 5000 ou 6000. Je veux dire, c'est très intéressant entre le ressenti et la réalité. Là, ce qu'on vient de dire, c'est un peu le travail qu'on avait fait là tous ensemble, on a conclu ça, alors que les gens ont l'impression qu'il y a plus de violence, qu'il y a énormément de violence. Et alors qu'il n'y en a jamais eu cette violence-là. Voilà. Mais c'est un autre débat. C'est une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux. Manifeste du Muséum Histoire Naturelle de la Violence avec Marie-Hélène Patou-Matisse, Laurent Beck-Chankland. On peut également vous lire dans La Préhistoire de la Violence et de la Guerre, Marie-Hélène Patou-Matisse chez Odile Jacob, et Laurent Beck-Chankland dans Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences. Ce sera chez Odile Jacob dans quelques jours. Et un mot pour vous dire, nous en parlions dans le Journal des Sciences, que nous avons, ça y est, la confirmation grâce à nos collègues de Libération Libération et de Check News de la mort du professeur Luc Montagnier qui est décédé mardi à l'hôpital américain de Neuilly. Le certificat de décès a été déposé à la mairie, ce qui atteste donc de cette rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux depuis hier. Aujourd'hui à la technique, c'est Grégory Wallon et la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.